calibré, brolique verbale, j'ai des punchlines à livrer. En état d'ivresse, en état d'ébriété, balance une petite Guinness que je puisse m'alimenter. Le mic m'a aimanté, j'ai dû le démonter. Je fais tellement de sons que j'arrive même plus à les compter. Allume ton spliff frère, moi je viens de le faire. Une chose est sûre, je ne vois pas ce monde avec un œil de verre. J'ai une poigne de fer et un flow de brumac. Je laisse des résidus de poudre tout autour du mic. Mais toi qu'est-ce tu mates? Paranoïaque, je suis pas un psychopathe, juste un sociopathe. Yeah, oh easy music. Mon son est lourd, pourtant je suis un mec tout sec. Le shit sous gag, toujours dans le bootleg. Une chose est sûre, je suis pas un de ces connards sous cesse. Ma fille est sous ebb, mon flow est laid back. Je ne danse pas, à l'occasion un petit lean back. Y'a personne qui me back, je carbonise les mics. Mon son tourne d'herqueuse jusqu'au Maybach. J'suis back dans les back cousins. J'arrive sur le track avec un Glock et un coussin. Envoyez le bousin, et wesh full boxon. Mec écoute ce son, j'touche pas à la C, on n'est pas chez Ardisson. Yeah.